Numéro 49. L'heure. 時間. La date. 日付. Quelle heure est-il? 何時ですか? Il est 8 heures. 8時です. Il est 10h30. 午前10時半です. Quel jour sommes-nous? 今日は何日ですか? Nous sommes le 18 juillet. 今日は7月18日です. Aujourd'hui. 今日. Le matin. 朝. 午前. L'après-midi. 午後. Le soir. 晩. Demain. 明日. Hier. 昨日. Après-demain. 明後日. Avant-hier. 一昨日. L'année prochaine. 来年. L'année dernière. 去年.